Le décompte est bel et bien lancé, puisqu'il ne reste que 3 éditions du Undead Incorporated Show Réanimation, et ce, avant notre retraite estivale. D'ici là, nous aurons pour vous ces fameux segments hebdomadaires et cette programmation qui fait de Réanimation ce qu'elle est, soit douce et brutale, cohérente et incompréhensible. Et le segment de ce soir que nous vous avons préparé, juste pour vous, sera la météorographie de Voivod, ainsi qu'un petit survol du dernier album Demon and Mars, ce qui devrait vous garder très éveillé et bien vivant, du moins pour ce soir. Parce que comme le disait à peu près Gandhi, la vie est un mystère qu'il faut vivre, et la mort un problème qu'il faut résoudre. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, surtout lorsqu'en plus de remanier les citations célèbres, il remanie les procédures médicales, parce que pour eux, le terme « sauver une vie » n'a pas tout à fait la même signification. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, the cause. We said so. Let's go. Final play.

Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. En ce 7 mai de l'an de disgrâce 2019, je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement, non pas avec Sinistro ce soir, il a dû se faire remplacer par quelqu'un qui a une voix absolument radiophonique merveilleuse, j'ai nommé Barry White. Eh bien oui, bonjour. Bonjour Barry. Bonjour. Vous venez d'entendre la tocate numéro 3 de Marin Marais. Bon, ben c'est soit qu'on est avec Barry White ou qu'on est à Radio-Canada, je sais pas. Mais je suis fort surpris de voir que tu remplaces Sinistro à pied levé oui, comme ça. Oui, ben disons que ce petit Moses m'a pas laissé le choix. Non, vous avez sûrement peut-être quand même reconnu Sinistro, ce qui est accablé de... Ben, j'ai décidé de prendre une voix très FM, vous voyez. Il me semble que ça va apporter beaucoup de plus de crédibilité à ta vulgaire émission, vous voyez. Peut-être un peu de professionnalisme. Ça nous a fait plaisir de t'entendre, Sinistros. Bon, on vient d'entendre. Comme ouverture d'émission, comme premier bloc, on a entendu à l'instant la tempête brésilienne, plus précisément de Rio Grande do Sul, Crazin, et la pièce Abysmal Misery, Foretold Destiny, qu'on retrouve sur leur 11e album et dernière parution, Scourge of the Enthroned, qui est paru le 7 septembre 2018 sur Century Media. Juste avant, l'excellent album et 6e en carrière de Misery Index du Maryland aux États-Unis, bien entendu. Et la pièce The Core Invisible qu'on retrouve sur ce Rituals of Power qui est paru le 8 mars dernier sur Season of Mist. Cet album-là est absolument, je dirais, dans le genre phénoménal. Il est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Et on a ouvert avec c'est une nouveauté, ça aussi. Février, ben, c'est quand même très vieux. Oui, ouais, c'est vrai que février, c'est très vieux. On essaie de pas se rappeler du mois de février du mieux qu'on peut. Là. Non, attends, non. On est très bien en mai. Quoique, il y en a qui sont pas beaucoup mieux en avril par mai, hein, on doit le dire. Là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une nouveauté dans le sens que c'est la première parution de cette formation internationale, soit de Canada et des États-Unis, qui donne dans un death metal, soit Tribe of Pazuzu. C'est un hippie qui est paru le 8 février, comme je le disais, 2019, de façon indépendante. Et la pièce étant The Proliferation of the Final Plague, qui est tirée de ce mini-album, Heretical Uprising, et qui met en vedette, entre autres, à la basse, Nick Sagas d'Overthrow, Flo Mounier de Cryptopsy, bien sûr, entre autres, et The Ultimus, qu'on a présenté plus tôt dans le mois, vraiment, l'album extraordinaire aussi. Randy Harris, qu'on retrouve dans Massive Erection, ainsi que John McEntee de Fenerus et d'Incantation, entre autres, qui est aussi un ex-Mortation et Immolation. Donc, c'est une espèce de power band, si on veut, d'une certaine façon. Et ce mini-album, il est vraiment très bon, très, très bon, très prometteur pour l'avenir du groupe. En fait, le groupe ne considère pas ceci comme étant seulement un projet parmi tant d'autres. Ce soir, à réanimation... En plus d'avoir l'honneur d'avoir Barry White, quoi qu'il n'y a pas vraiment la même stature, je dois dire. T'as maigri beaucoup, Barry, hein? Oui, papi. On a la présentation de la métallographie qui, ce mois-ci, s'adressera à Voivode. Et comme on a expliqué, il y a de cela quelques émissions, Sinistros et moi avons convenu que, pour ces présentations-là, qui sont parfois, qui pourraient être très longues, ben, on est allé à des albums essentiels qui pourraient être, ben, en fait, qui nous apparaissent, Lui et moi, c'est ça comme étant des highlights dans la carrière du groupe, en l'occurrence, ici, Voivode. Donc, mais c'est quand même, tout de même, on parle de 45 minutes de Voivode, là, hein? Bon. Ben, c'est très bien. Ben oui, moi, j'ai rien contre ça, absolument pas. Au contraire, je trouve que c'est une belle façon de débuter le mois de mai. Qu'est-ce que tu nous proposes comme premier bloc? Ben, j'ai choisi un petit bloc, ma foi, à tendance un peu moins standard, on va y aller avec des groupes qui mélangent. Le moins standard, qui est ton standard? Oui, c'est en plein ça. Okay. J'ai choisi des groupes qui mélangent un peu de métal avec un peu d'autres trucs. Comme quoi, disons? Ben, un peu d'industriel ou peut-être un peu de punk ou un peu de mais pas de disco, là. Pas de disco. Non. Comment ça? Ben, parce que j'aime pas le disco. Pourquoi? Parce que j'aime pas le disco. Ben là, c'est une réponse de politicien, ça. Oui. Bon, ben je creuserai plus... T'as pas besoin de creuser. Je tiens à creuser dans ta tête. Dans ma tête, oui. Tu vas faire ça? Oui, oui. On va commencer avec une formation allemande qui s'appelle Valborg, avec une pièce qui s'intitule Orbital Waffe, C'est paru sur l'avant-dernier album Handstrand, car le nouvel album est à peine sorti. À peine. Il n'est pas sorti au complet. Ben, je suis même pas sûr qu'il est sorti à 100%. Moi, je pense que dans les rayons, il y a juste un bout qui apparaît. juste un bout de pochette. c'est sorti le 7 avril 2017 sur Lupus Lounge. Ça sera suivi de Toe Cross et de Discharge. Bien oui, Discharge, ça existe encore. 17 mai, Sinistros pour le nouveau Valborg, ben, qui porte le nom de Zentrum. C'est ça. Ouais. Alors, allons-y tout de suite. Valborg, Orbital Waffe. Let's go. on the late September green. A scarecrow crucifixion hanging lifeless for nobody to explain. I was born of the eclipse within the darkness of the equinoctial storm. We'll be right back. Chine à remonter le tympan vous propose un voyage aux sources de la musique populaire tous les jeudis de 17h à 19h. Venez donc y prendre votre dose hebdomadaire de jazz et de roots. Les Aigles de Trois-Rivières et CFO 89.1 s'associent à nouveau cette saison. Tous les matchs à domicile de saison régulière ainsi que tous les matchs de séries éliminatoires seront diffusés à notre antenne. L'équipe de diffusion vous promet toute une saison. C'est le temps d'écouter les Aigles. CFO 89.1, radio diffuseur officiel des Aigles de Trois-Rivières. C'est le 89.1. Dit-il? En espagnol, bien sûr. J'avais une toute autre conception de l'espagnol. Ben, je te crois, parce que t'as pas l'habitude de me conter des choses qui sont pas vraies. Hein? Jamais. Je ne ferai jamais ça. Non, je reformule. T'as pas l'habitude de me conter des choses qui sont vraies. C'est ça que je voulais dire. Eh bien, tout juste avant la pause, nous avons eu le Philharmonique de Berlin. Qu'est-ce que tu dis qui est en Montreuil? Avec la Symphonie fantastique de Berlioz. Hey, non, Sinistro, si tu peux appliquer à Radio-Canada, ils vont te prendre tout de suite. Ouais, mais une fois par année. Ouais, c'est vrai, mais c'est mieux que rien. Discharge, groupe anglais légendaire pour son punk et hardcore et métallique en même temps. Ils ont eu beaucoup de houle dans leur carrière. Beaucoup de haut et beaucoup de bas. Oui. Puis on parle pas des chaussettes ici, là. Non. La pièce s'intitulait Raped, elle s'intitule toujours, bien évidemment, Raped and Pillage. C'est paru sur le dernier album qui est paru en 2016, End of Days. C'est paru le 29 avril sur Nuclear Blast. Ouais. Tout juste avant, premier album de Talk Rust, autotitré Talk Rust, avec la pièce Lazarus, groupe qui met en vedette Away the Voivode ainsi que des membres de Amebix et autres. Oui, entre autres Rob Miller de Amebix, le bassiste et chanteur, qui je pourrais qualifier que son vocal s'apparente étrangement à celui de Cold Jazzman et de Lemmy Kilmister. Ben, c'est un mélange entre les deux. Puis on dirait que Talk Rust, c'est vraiment peut-être un mélange de Killing Joke et de Motorhead un peu. Ouais. Et de... Mais ça sonne bien. Ça sonne très bien. Oh, moi, j'aime beaucoup ça. Ben, c'est paru le 15 mai 2015 sur Relapse. Et on a commencé avec les Allemands de Valborg, avec leur métal un peu industriel, un peu minimaliste, avec la pièce Orbital Waffe. C'est paru sur Handstrand le 7 avril 2017 sur Lupus Lounge. Et un nouvel album qui... 17 mai. 17 mai qui s'en vient. C'est sûr et certain que je regarde ça. Ben écoute, c'est pas la première fois que t'en penses. Pis à toutes les fois que t'en penses, je me dis, faut que j'aille explorer ce groupe-là. Il y a un bon beat. C'est minimaliste, mais tu sais, c'est... réussissent à remplir. Moi, c'est l'efficacité que je vois au c'est juste ça, là. Pour avoir 80 000 notes dans une pièce, puis si ça me plaît pas, ben c'est 80 000 notes de trop. Tu peux mettre 79 000, c'est mieux. Moi, je dirais qu'entre 10 et 20, c'est fort correct. 19h37, vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show, et ça jusqu'à 21h, en compagnie de ce Sinistros Barry Goblin White, quelque chose. Sinistros de Radio-Canada. Et moi-même, votre très, très cher et charmant docteur Pain Pendragon. Et il est venu ce segment mensuel que nous avons nommé tout simplement, et pourquoi pas, Métallographie, qui s'adresse ce mois-ci, en ce début de mai, qui, et ma foi, devient de plus en plus prometteur, doit-on le dire, à la formation québécoise, le Canadian Metal Legend, Voivode. Formation originaire de Jonquière initialement. De Jonquière. De Jonquière. Oui, ben c'est parce que je pratique pas souvent ce dialecte. De Jonquière, maintenant établi à Montréal, bien entendu. Voivode qui a vu le jour en 1981. Où ça? En Alma. À Jonquière. Oui. Jonquière. Et qui. Ben, c'est plutôt un mix de Jonquière et d'Alma parce qu'il était comme. Paris. Ouais, ben, OK, si tu veux. Donc, il y en a qui venaient d'Alma, puis il y en a qui venaient de Jonquière. Fait que là, faut que je dise comment, là? Al-Hawkeye. OK. Non, c'est Jonquière, pour le vrai. Formation qui a vu jouer en 81, comme je le disais, initialement avec Michel Ouellangevin, qu'on a entendu plutôt avec Toe Cross à la batterie. Michel Damour, alias Peggy. Non, c'est Denis Damour. Denis Damour, pardon. Pardon, alias, pardon. Oui, c'est ça. Pardon. C'est à cause de Jonquière. Le regretté, Denis Damo, Piggy à la guitare, ainsi que Jean-Yves Thériault à la basse. Blackie, qui n'est plus maintenant du groupe, ainsi que Denis Bélanger, alias Snake, qui lui est toujours là. Donc, aujourd'hui, Voivode, dans sa formation actuelle, comporte deux des frères. Ben, c'est pas pire, parce que Voivode, maintenant, c'est mi-saguenayen et mi-tripluvien. Ben oui, effectivement, ouais. Tout à fait. Ben oui, absolument. Parce que, effectivement, de la formation originale, il reste Michel Langevin et Denis Bélanger, auxquels se sont joints au fil des dernières années Daniel Mongrain. Chewy. D'ici même, Chewy, effectivement, oui. De Trois-Rivières, ex-martyr, entre autres, qui a joué aussi avec Gorgatz et qui a joué aussi avec. Danilo. Cryptopsy aussi. Oui. Ainsi que Dominique Laroche, bien sûr, qui est le bassiste. Oui. Rocky. Qui aussi est un trifluvien. Oui. Donc, tu as raison, c'est mi-montréalais jonquérien et mi-trifluvien. C'est voilà. Formation qui, dès le départ, a bouleversé, doit-on le dire, la scène métal. Et de façon assez rapide au niveau, je dirais, nord-américaine, pour par la suite se répandre comme une gangrène et redéfinir les standards du métal. À l'époque du premier album, le magazine Kerrang avait traité Voivode de pire que pire métal. Parlez-en mal, parlez-en bien, ouais. Mais parlez-en. Ben, moi, je me rappelle pertinemment d'avoir avoir eu une entrevue à réanimation ici, et Maurice Richard, qui a été pendant un certain temps leur gérant, manager si vous préférez, qui avait dit: lorsque je suis allé dans le local de pratique pour la première fois écoutez Voivode pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire avec et pour eux, j'étais assis dans le sofa qu'il y avait dans le local de pratique et je n'ai absolument rien compris. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. J'avais aucune idée de ce qu'ils jouaient, mais je me suis dit, et je paraphrase, je me suis dit: il y a quelque chose là qui ne s'est jamais fait. Et il avait raison. Parce que, faut bien le dire, Voivode, c'est des innovateurs. Oh hein? Oui, absolument. Absolument. Donc, moi, personnellement, je me rappelle d'avoir entendu, avec notre ami le Rockmaster, pour la première fois, Warren Payne, premier album sorti en 84, et il me dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe là? Hein? À l'époque où on venait de découvrir les Metallica puis les Slayer, ouais, ils sont arrivés eux autres avec quelque chose qui était, bon, t'avais Venom qui était un peu dérangeant. Mais là. Ça, c'était une coche. Ben, c'était une coche vraiment différent. Et aujourd'hui, Voivode, doit-on le dire, c'est devenu, pour plusieurs amateurs de métal, mais de d'autres styles aussi, une emblème. Oui. Une emblème musicale, une marque indélébile, au niveau de la carrière, au niveau de leur empreinte musicale, au risque de me répéter, et de l'évolution à laquelle ce groupe-là je dirais a survécu d'une certaine façon, parce qu'ils l'ont pas eu toujours facile. Ils ont eu des moments avec des contrats qui ont été plus pénibles. La période Angel Rap a été très très pénible pour le groupe. Oui. La période de Noise a été dure, bon, ainsi de suite, mais le groupe a toujours persisté. Aujourd'hui, je pense que ce groupe-là commence enfin à avoir Il a gagné un Juno. Oui, ben c'est ça. Mais c'est pour ça que j'allais dire, je pense que ce groupe-là commence à avoir enfin la reconnaissance qui lui est due pour avoir amené la musique métal des années 80 à aujourd'hui, dans une musique beaucoup plus progressive, mais beaucoup plus aventureuse, dois-je dire, et audacieuse. Ce qu'ils font, c'est vraiment, moi je dois lever mon chapeau à ce groupe-là. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire la métallographie sur le groupe Voivode aujourd'hui. Je débute cette première partie avec les cinq premiers albums, parce que c'est tous des incontournables. C'est des incontournables. Donc, dans l'ordre, on va entendre de Warren Payne, le premier album, la pièce Black City. Je vais récapituler de toute façon après le bloc. Deuxième album, Roar, on va entendre Build Your Weapons. The Killing Technology, qui est le troisième, Overreaction. Du quatrième, Dimension Atroce, Trouble Convictions. Et je vais conclure cette première partie de Nothing Face avec Inner Combustion. Métallographie de Voivode pour vous à l'instant. Let's go! ici Snake de Voivode. Vous êtes sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières. Raise down the street. Will you sharpen the weapon? Festival Pouzza est de retour, présenté par la brasserie Brosson Natural et le Trou du Diable. Le Festival Punk Rock de Montréal célèbre sa 9e édition au cœur du centre-ville les 17, 18 et 19 mai prochains, offrant les spectacles extérieurs gratuits de Against Me, The Planet Smashers, Andrew WK, Strung Out, Sub et plus encore. Pouzza, c'est plus de 170 groupes dans 5 lieux sur 3 jours. Jardin des bières extérieures, activités pour enfants, yoga punk rock, tournoi de baseball et beaucoup plus. Visitez pouzzafest.com pour la programmation complète, les billets et l'horaire. Les amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion le Metal Show tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death me donne le mandat d'honorer 5 décennies de musique lourde et subversive des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme la plus extrême sur Sifo 89 du côté gauche de la bande FM en Mauricie. La saison de Très Blues à Sifu tire à sa fin. Notre dernière émission de la saison, le 9 mai prochain, vous parviendra en direct de la Chasse-Galerie. Pour cette occasion, Lise Bourgeois, Steven Hubert et moi, Denis Baudin, nous vous invitons à assister en direct au déroulement de l'émission Très Blues à Sifu. Venez nous rencontrer et assister aux prestations live du bluesman Riot, de Riot and the Blues Devil. Très Blues à Sifu est une réalisation de Sylvain Beaumier. Le 9 mai prochain, dès 19h pour 3 heures de blues. C'est Très Blues à Sifu, en direct de la Chasse-Galerie. Soyez des nôtres. Voulez participer à une soirée qui mettra en lumière des femmes qui s'impliquent activement dans des lieux de pouvoir de leur communauté? Soyez des nôtres lors de la 5e édition du Gala Mauricienne d'Affluence le 23 mai prochain. Laura Nikwe, auteure, compositrice, interprète Atikamekw, offrira une prestation lors de l'événement. Les billets sont en vente au coût de 50 $ au www.tcmfm.ca. Cet événement est une présentation de la table de concertation du Mouvement des femmes de la Mauricie, du secrétariat à la condition féminine et de CIFU 89.1 FM. Fou de palmarès. 89.1. Il est 20h09 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show en compagnie de... Mais je sais plus c'est qui. Parle donc un peu, voir. C'est Tom Jones. Il n'a pas une grosse voix de même. Ah non, Tom Jones n'a pas une grosse voix. De... Qui pourrait avoir une grosse voix? King Kong? Leonard Cohen. Nous aussi, oui. Bon, ben admettons que c'est quelqu'un qui co-anime avec moi ce soir. Je pourrais chanter du Sisters of Mercy, mais bon, ben, ben, ben, ben j'aimerais ça. I can hear your faces, I can hear your thoughts. Avant cette savoureuse pause publicitaire, nous avons eu la première partie de cette métallographie de Voivod qui se constituait de ceci. Inner Combustion, qu'on retrouve sur Nothing Face, le 5e album de la formation paru en 89 sur MCA. Semble-t-il que c'est l'album que Sinistros a le plus écouté de Voivod? Oui, avec Angel Rap. D'accord. Justement... Sachez que je suis un grand fan fini de Voivod les premières secondes de Voivod. C'est pas vrai, parce que la première fois que t'as écouté War and Pain, tu l'as mis de côté. Les 10 secondes après le bord. Non, ça a pris une semaine, tu m'as dit. Juste avant, Tribal Convictions, qui est tiré du 4e album. On peut dire Dimension Atroce, mais c'est parce qu'il y a un jeu de mots avec Atroce. C'est Dimension Atroce. C'est Dimension Atroce, parce que Atroce n'existe pas en anglais, c'est Atrocious. Dans le cercle de Voivod, c'est Piggy qui avait sorti ce titre-là, oui. C'est Dimension Atroce. Absolument. Dimension Atroce avec... Mais sur la pièce titre, on l'entendait Dimension et Atroce. Ouais, c'est pour être plus... je dirais. C'est sur la pièce Experiment. Ouais, c'est ça. Sur la pièce Experiment, on l'entend Dimension. Parce que c'est un mot qui n'existe pas en anglais. Sous cette forme. Donc, le 4e album, paru le 4 juin 88 sur Maze Music, nous avions Overreaction, une très bonne pièce tirée de Killing Technology. Le 3e, la discographie de Voivod, qui lui est paru le 3 avril 87 sur Noise. Lorsque je disais tout à l'heure que la période noise n'a pas été très bonne pour eux, semblait-il qu'ils sont fait un petit peu avoir. Ben, il n'y a pas juste eux autres. La période noise de beaucoup de bandes n'a pas été très, très... Et pourtant, c'était un des labels importants de l'époque. Oui. Et plusieurs misaient pour voir rester sur noise, mais bon, l'histoire prouve que c'est pas toujours... Ben, écoute, hein, la vie de musicien... Ben, c'était pas mieux sur... Sur Banzai. Ben non. Somme toute, non. Nous avions Build Your Weapons. Build Your Weapons, qui est tiré de War. Deuxième album, et mon préféré encore à ce jour. Deuxième album paru le 14 mars 86 sur Combat. Tu sais que quand tu lis les fameuses critiques sur Metal Archives, il y en a un qui a donné 23% puis qui dit qu'il y a des riffs médiocres sur cet album. Je pense qu'il a pas compris l'essence. Ouais, ben tu sais, ce genre de portail-là où tout le monde peut être mis à contribution, c'est pas nécessairement des avis qui sont toujours éclairés, là, hein? Roar, comme j'ai dit, qui est paru 14 mars 86 sur Combat. Par contre, doit-on le dire, Killing Technology commençait à s'améliorer un petit peu au niveau de la production, mais Roar et son précédent, soit le premier Warren Payne. Ben, tu sais que moi, Roar, chez nous, il est sur Noise Records. Il est sur Noise? Il est sur Noise. OK. Donc, Roar a sorti officiellement sur Noise. Ah, oui, t'as raison. Il a peut-être sorti sur Combat. Il a sorti ailleurs. Sur Combat. Oui. Mais oui. Je sais que moi, j'ai la version Noise, puis au Canada, c'était sur Banzai. C'est possible. Oui. Mais par contre, comme on le disait hors onde, le rough mix sonne mieux. Oui, oui, oui. Définitivement. Je me rappelle à l'époque, notre gérant, à l'époque, quand je faisais de la musique, m'avait remis le rough mix de Voivod et j'étais là, wow! J'étais là, roar! Mais après avoir entendu après l'album, je me suis dit, le rough mix sonne mieux. Mais peu importe. Et nous avons ouvert avec, effectivement, ce premier album, Warren Payne, paru le 10 août 84 sur Metal Blade, album qui avait mis sur le derrière plus d'un amateur de métal et probablement autres amateurs de d'autres musiques, la pièce étant Black City. Sinistros, tu nous proposes la deuxième partie de cette métallographie. Ben, vu qu'il est incombé de faire la première partie de ce bloc qui montrait la version classique de Voivod, aller jusqu'à à Angel Rat. Ouais. À partir d'Angel Rat, ça a commencé à se compliquer le groupe. Lors de l'enregistrement de l'album, à la fin de l'enregistrement de l'album, avant que l'album sorte, Blackie a quitté le groupe. Mm-hmm. Pas pour la première fois. Pour la première fois, effectivement. Cet album-là, il amenait un son de Voivod que on le voyait venir un peu avec Nothing Face et avec Astronomie Dominée. Oui, mais quand même. Mais là, ils ont franchi vraiment un pas. Sont tombés dans un autre monde totalement. Ouais. Beaucoup de fans de Voivod à l'époque ont craché sur cet album-là. Pas moi. Moi non plus. Moi jusqu'à maintenant, c'est un de mes préférés de Voivod. C'est très bon. Très mélodique, fort bien composé. Je pense que c'est l'album où Snake est le plus à l'aise dans les mélodies vocales. Je crois que oui. En tout cas, moi, selon moi, c'est un chef-d'œuvre sous-estimé de Voivod. Ben, je suis d'accord. Ben, en fait, pas juste de Voivod. C'est un album très, très important dans le monde du métal. Oui. Mais dans le monde progressif aussi, tu sais, parce que c'est oui, c'est le pas s'emboîter. Très, très, très prog. Oui. Le deuxième album qui a suivi après, c'était pas le deuxième album, donc on tombait avec le septième, qui était Outer Limits, suivait un peu les mêmes traces, mais devenait un peu plus rock. Tu sais, c'était plus... c'était plus 4-4. Plus, ouais, c'était plus dans ta face ou... Tu sais, Voivod qui faisait des affaires comme sur Warren Payne ou Killing Technology, ça n'avait plus, là. Non. Album qu'ils ont fait à trois avec un bassiste de session. Oui. Ce bassiste-là de session, c'est Pierre Saint-Jean, mm-hmm. qui a joué notamment dans Alcoholica ou un groupe de progressifs dont je joue. Groovy Hardwork, ça se peut-tu? Non, il n'a pas joué dans Groovy. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il joue dans Groovy Hardwork. Je pourrais essayer de vérifier, si tu veux. Hidden Pride, si je me trompe pas. Ou quelque chose du genre, là. Un groupe progressif montréalais. Ça l'a suivi avec le départ de Snake. Oui, bon, Snake est parti, donc et Piggy ont dû se retrousser les manches et sont allés chercher un adlet. Heaven's Cry, c'est en plein ça. Pardonnez-moi. Heaven's Cry, c'est ça. Faut te retenir, là. Que j'ai déjà vu en spectacle par ailleurs il y a très longtemps. Négatron marquait l'arrivée de Eric Forrest à la basse et au vocal. Il y aura eu deux albums comme ça, soit Négatron et Phobos, et un troisième album qui est jamais sorti. Ouais. Away a dit en entrevue l'année passée que possiblement que ça sortirait un moment donné. Ben, je serais curieux, moi, d'entendre ça. Ça serait vraiment cool d'entendre ça. Parce que moi, je déteste pas du tout l'époque de Rick Forrest. C'est très différent. C'est progressif, mais beaucoup plus méchant. Pas mal plus méchant. Oui. Eric Forrest, il a fait son band par après. Oui. Il est arrivé un accident à un moment donné, puis Forrest s'est blessé. Son management, à lui, a poursuivi le management de Voivod, puis blablabla. Bon, l'histoire est plate. Ça s'est terminé quand même très, très bien. Finalement, ben, Snake est revenu dans le groupe. Mm-hmm. Avec Jason Newsted à la basse. Qui voulait jouer. Qui voulait, avec c'est lui qui a demandé. Peux-tu jouer avec vous autres? Mais oui. Ben non, hein, tu peux pas, toi. Ça va être, c'était un peu compliqué pour les pratiques, surtout avant le souper. Oui, oh, ouais, c'est ça. C'est. Bon, faut s'appeler 6 mois d'avance presque. Mais ils ont quand même réussi à sortir quelques albums, dont deux où Piggy était pas là pour enregistrer les albums. Oui. C'était sorti directement de son laptop. Puis ensuite, on a eu un autre line-up. Blackie est revenu. Mm-hmm. Dan Mongrain a pris la place de Piggy, qui est décédé en 2005. Oui. Blackie est reparti. Oui. Puis là, on a Rocky... Dominique Laroche, qui a pris la place de Blackie depuis 2012. Chic type de... 2013, excusez, 2014, en tout cas, bref. Alors, on va entendre tour à tour une pièce d'Angel Rap, titulée de Pro. On va entendre The Outer Limits, Fix My Heart, Negatron, on va entendre Project X, Infini, Godphones et The Way, que l'album qui a consacré Voivod avec un Juno. Absolument. Avec Icon Spiracy. Absolument. Allons-y tout de suite, Voivod The Pro. Réanimation, let's go. Yeah.

Yeah! Podiumatique avec les Sonoristes. Tous les mercredis à 17h. Les amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion, le Metal Show, tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death me donne le mandat d'honorer 5 décennies de musique lourde et subversive, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme la plus extrême, sur Sifu 89.1 du côté gauche, la bande FM en Mauricie. Fou de musique du monde. Sifu 89.1. h 43, vous êtes à l'écoute de Réanimation, les Undead Incorporated Show pour encore 18 minutes et Sinistro. Ça achève. Voivode, deuxième partie de cette métallographie. On a entendu respectivement Iconspiracy qui est paru sur The Wake le 21 septembre 2018 sur Century Media. Un peu la consécration. Oui, la consécration, effectivement, avec le Juno et tout et tout. Godphones qui est paru sur le dernier album avec Piggy. Oui, je l'ai bien écrit d'ailleurs. Hein? Oui, Inifi, c'est ça. Ouais. C'est paru sur Infini, paru le 12 juin 2009. C'est la dyslexie, ça. Sur Nuclear Blast, Project X qui est paru sur Negatron le 5 décembre 95 sur Mausoleum. Le huitième. Le huitième album. Fix My Heart, dernier album avec Snake de la première mouture de Voivode. Ouais. Paru sur Outer Limits. Paru le 3 août 1993 sur MCA. Et nous avons débuté le bloc avec The Pro, qui est apparu sur Angel Rat le 12 novembre 1991, également sur MCA. C'était vraiment bien. Ben, c'était Voivode. C'était vraiment bien. C'était très agréable. Voivode qui ont une très longue carrière, plus de 35 ans de musique. Et ma foi, il n'y a pas vraiment de mauvais album. Il y a des moments un peu plus faibles de temps en temps. Je ne crois pas qu'il y ait de mauvais album. Non, il n'y a pas de mauvais album. Bon. C'est un album différent, par contre. C'est, mais c'est la beauté de la chose. Oui, monsieur. Je vous parle de nouveauté qui est sortie, je crois que c'est vendredi dernier, la formation suédoise de Melodic Death, Viking Metal, de Stockholm. Ça me surprend, toi, que tu mettes ça. Tu vas comprendre pourquoi je l'aimais. Mon Amarth, avec ce nouvel album, Berserker, sous étiquette Metal Blade Records. Et voici ce que j'en ai dit. C'est fort court, mais c'est assez éloquent. Je reconnais volontiers le professionnalisme d'Amon Amarth et que dans le genre, le groupe fait partie des figures de proue et est très efficace. Mais j'avoue aussi que ce type de métal n'est pas ce que je préfère et que ce que je recherche. Beaucoup trop mélodique et prévisible à mon goût et surtout passé méchant et lourd. Amon Amarth me rappelle par moments Iron Maiden, mais en version viking avec une voix plus rauque. En contrepartie, ce nouvel album Berserker sonne très bien. La production est excellente. Même sans être particulièrement original, Berserker fait le travail. Je n'aime pas tellement ce style comme mentionné, ce qui explique la note accordée. Mais il faut rendre à César ce qui est à César et les amateurs du groupe devaient y retrouver leur compte à coup sûr. Pour moi, c'est un des très forts qu'ils ont fait dans le genre. Je lui ai donné une note très moyenne de 6,5 sur 10. C'est très fort pour toi, ça? Non, c'est pas très fort. C'est juste... normal. Je vous propose d'aller écouter deux pièces qui sont respectivement Crack the Sky et Valkyria. Et Mon Amarth. Out of God's gates, a chariot of God. Amon Amarth et la pièce Valkyria. On le retrouve sur ce 8e album, Berserker, juste avant Crack the Sky, 2e pièce de l'album. C'est paru le 3 mai dernier. Le 3 mai dernier, c'est vendredi dernier, ça? Oui, c'est ça. C'est l'étiquette Metal Blade. Bon, je conviens que ce n'est pas définitivement pas ce que j'aime écouter, généralement parlant. C'est doux. C'est beaucoup trop mélodique à mon goût. C'est doux. C'est trop mélodique, mais l'album, il sonne comme une tonne. Oh, c'est bien il sonne comme une tonne, ça, là, définitivement. Ce vendredi, n'oubliez pas, pour ceux qui sont amateurs de Anvil, ils seront ici même à Trois-Rivières au Rock Café Le Stage. Pauvres autres. En compagnie de Tapeworm, Tant et Darksider. Les billets sont au coût de $28.87 et sont disponibles à lepointdevente.com. La semaine prochaine, à réanimation, ce sera... L'évolution métallique, selon moi-même. Voilà, selon Barry White. c'est ça, ça va être l'avant-dernière émission de la saison. Ne manquez pas Rock Classic, ce vendredi, dès 11h, pour les vrais amateurs de vrai rock. C'est la deuxième partie du spécial 1989, auquel, malheureusement, je ne pourrai pas participer cette fois-ci, avec le Rockmaster, avec les segments habituels, de 11h à 17h. L'émission de notre ami DJ Tower of Death sur version sur les ondes de SoundCloud, sur les ondes de Cifou. Sur les ondes de SoundCloud et en ligne sur Cifou. Et mélangé sur les ondes de Cifou, ici même en rediffusion les vendredis après réanimation et sur SoundCloud et le blog de hurlemort.com, le blog de Sinistro. Ben là, je dis. J'ai pas mal au ralenti cette année. J'ai cru voir ça. Hurlemort.com. Sinistro, nous finis ça avec. The Apocalypticon Writer. J'avais tellement hâte que tu nous dises. Oui, avec la pièce Sometimes qui est parue sur Allegro Barbaro, deuxième album, je crois, qui est paru le 29 mars 99 sur Ars Metalli. Petite toune d'une 59, et ça sera celui des Canadiens d'Ottawa. Fumigation, Forced Vaginal Arborage, c'est paru sur le Split Invasion, qui est paru le 28 avril 2017. Alors, on y va tout de suite, The Apocalyptic Writer, et sur ce, allez tous vous faire foutre, c'est ya. Yeah.